Ça, par il a une écharpe, et quoi il a une caméra. Par il a une écharpe, et quoi il a une caméra. Écoute ça, d'où ça vient, une histoire de pain et de pain. D'où ça vient, l'histoire de pain et de pain. Par il a une écharpe, et quoi il a une